maison de tête. Elle dort sur nos trottoirs, elle attend en masse devant les rideaux de fer. Des restos du cœur, en nous s'installe le stress, la peur. Du lendemain, l'impas, à chaque discours du politique est un crachat dans la face. Vous inquiétez pas, on va s'unir, ça sera pas pour mieux subir. Nous allons tout détruire, notre misère chante sous vos fenêtres. 4000 pics de plus, c'est leur réponse à notre mal-être. Ça sort de ces codes voyous, personne connaît le prix d'une baguette. Ça serait peut-être différent, c'est pas l'argent du contribuable qui était dans vos mallettes. Pour maintenir en vie la bête, au fond rien à foutre, vous êtes déjà mort. Nous sommes en train de naître, nous gagnons, vous êtes en train de perdre. Va bradoper Morlone pour le jet de canette. Texte écrit sous votre cap. Pour que ça parte en cacahuète. Une balle dans la tête de certains hommes me semble être une racinette. C'est la crise dans nos crânes, dans nos poches, dans nos âmes. Ton oreille apprécie le son qu'on t'amène. Maintenant à Paname, partout c'est la merde. C'est la crise dans nos crânes, dans nos poches, dans nos âmes. Ton oreille apprécie le son qu'on t'amène. Maintenant à Wall Street, partout c'est la merde. Pas ta pas d'une, taf t'en auras pas plus. Les parents manquent par amour donc te poussent au bac plus. Les patrons font pas de ciel pour te dire à plus. Si licencié en masse c'est pour rouler en Lexus. Elle évolue toujours suivant le même processus. La crise une carotte qui veut le mettre elle est grosse c'est sûr. Les nobles ont des crampons et les pauvres attendent des crampons. Les mêmes que moi qui vont au stade comme des grands cons. C'est pas du shit ou de la scène, mais des rimes que nous planquons. C'est un drapeau blanc et pas de la beuh que nous plantons. La barbe au menton, nous y'a qu'au bleu que nous mentons. On sert la ceinture, le portefeuille amassé. On ramasse les mains pendant qu'eux amassent les pieds. C'est casse-pied de voir autant d'argent gaspillé. Ils sont qu'à crever dans le stress et les pailles. Ma jeunesse est délaissée entre le stress et les plaques. C'est la crise dans nos crânes, dans nos poches, dans nos âmes. Ton oreille apprécie le son qu'on t'amène. Maintenant à Paname, partout c'est la merde. C'est la crise dans nos crânes, dans nos poches, dans nos âmes. Ton oreille apprécie le son qu'on t'amène. Maintenant à Wall Street, partout c'est la merde. C'est la merde, c'est la crise, la jeunesse se noie dans la cesse, dans la tise. On aimerait évoluer, bâtir une entreprise. Si le taf ne paie pas, on trouvera une entreprise. On n'est pas des manchots à la tâche, on se brise le dos. Optimise nos chances, vu qu'on vise le haut. La crise c'est du zèf, c'est un effet placebo. Des années qu'ils encaissent, qu'ils nous bombent jusqu'aux os. Qu'ils détournent des millions comme ils détournent les infos. Leur discours c'est du vent, je pourrais faire des intros. Mets du speed dans mon flow, du sky dans mon vin. Trois lieux sur les crocs, si tu touches à mon pain. J'ai une pause, réfléchis, j'ai une tape sur mon joint. Dans ma tête, cette question que nous réserve le monde de demain. Quel avenir laisserons-nous à nos filles, à nos fils? Un système menacé par le fric et son vice. C'est la crise dans nos crânes, dans nos poches, dans nos âmes. Ton oreille apprécie le son qu'on t'amène. Maintenant à Paname, partout c'est la merde. C'est la crise dans nos crânes, dans nos poches, dans nos âmes. Ton oreille apprécie le son qu'on t'amène. Maintenant à Wall Street, partout c'est la merde. La crise, ça fait longtemps qu'elle est là, mec, tu le sais. Du pouvoir d'achat. Chômage, précarité. Sans six mois, exclusif, tout s'en connaît. On se compare. À l'est, au nord, à l'ouest, au sud, c'est la même.